الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on continue l'explication du livre لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد, un livre de l'imam ibn Qudam al-Maqdisi, avec l'explication de Cheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan, qu'Allah le préserve. Donc la semaine dernière on avait cité la parole de l'auteur et ce qui est rapporté, c'est-à-dire dans le Coran, comme verset relatant des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, la parole d'Allah azza wa jal, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ, c'est-à-dire, et ne restera que la face de ton Seigneur. وَقَوْلُهُ تَعَالَى بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ, bien au contraire, ses deux mains sont ouvertes. Bien au contraire, ses deux mains sont ouvertes. Donc on avait parlé, expliqué, on avait lu l'explication de Cheikh Fawzan sur ces deux versets, et que Allah Azza wa Jal a un visage qui est propre à lui subhanahu wa ta'ala, un visage qui ne ressemble aucunement au visage de ses créatures. Et de même pour le verset où Allah Azza wa Jal dit, bien au contraire, ses deux mains sont grandes ouvertes, c'est une parole qu'avait dite qui? Le peuple juif, qui ont dit Yadullahi marloula, que la main d'Allah est renfermé, et Allah Azza wa Jalla a dit roulat aydihim, que leurs mains soient renfermées, bal yadahu mabsutatani roulat aydihim wa lu'inu bima qalu, ils ont été maudits pour ce qu'ils ont dit, bal yadahu mabsutatan, mais ses deux mains, bien au contraire, ses deux mains sont grandes ouvertes, yunfiqu kayfa yasha, et il donne la subsistance et la pourvoyance comme il le veut subhanahu wa ta'ala. Et on avait vu que Allah Azza wa Jalla avait deux mains qui sont propres à lui et qui ne ressemble en aucun cas aux mains de ses créatures subhanahu wa ta'ala. Non. Dans quel contexte les Yahoud ils ont dit ça en fait? C'est pas là, je connais le contexte, je n'étais pas en tête là. Non. طيب يقول المؤلف الإمام ابن قدام المقدسي, وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك, وقوله سبحانه وتعالى وجاء ربك سورة الفجر. Également l'auteur dit, et la parole d'Allah عز وجل en parlant de عيسى عليه السلام, qu'il a dit تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك, tu sais ce qu'il y a dans mon nefs et je ne sais pas ce qu'il y a dans ton nefs. Et la parole d'Allah Azza wa Jal, وَجَاءَ رَبُّكَ, et ton Seigneur viendra. أولا هذا في إثبات النفس, هذا في إثبات النفس لله سبحانه وتعالى, كما أن المخلوق له نفس, تعلم ما في نفسي, عيسى عليه السلام مخلوق وله نفس, ولا أعلم ما في نفسك, يقول لربه ولا أعلم ما في نفسك, فعيسى عليه السلام خاطب ربه بأنه لا يعلم ما في نفسه بل ينكر ولم ينكر الله عليه ذلك, ففيه إثبات النفس لله تعالى. وفي الآية الأخرى كتب ربكم على نفسه الرحمة, فيه إثبات النفس لله, وليلزم من كون المخلوق له نفس أن تتشابه النفسان, نفس الله سبحانه وتعالى ونفس المخلوق أبدا. Donc concernant le premier verset, Cheikh Fawzan l'explique en disant qu'il y a dans ce verset l'attestation du nefs vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme les créatures ont un nefs, comment traduire un nefs? Une âme ou un esprit. Isa alayhi salam a dit ta'lamu ma fi nafsi, tu sais ce qu'il y a en moi. Et aussi, on traduit littéralement, tu sais ce qu'il y a dans mon nefs. Dans quel contexte Isa alayhi salam a donné cette réponse? A anta qulta linnasi ittakhidhuni wa ummiya ilahayn min dunillah. Est-ce que c'est toi qui as dit aux gens, prenez-moi et ma mère comme des divinités en dehors d'Allah, قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. Il a dit, gloire à toi, je ne peux pas dire des choses qui ne sont pas vraies. ما ليس لي بحق. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. Tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن قلت قل إن كنت قلته فقد علمته. نعم إن كنت قلته فقد علمته. Si je l'avais dit, tu l'aurais su. Donc عيسى عليه السلام parle à Allah عز وجل. Si je l'avais dit, tu l'aurais su. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. Tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Donc Isa alayhi salam, comme le dit Cheikh Fawzan, makhlouq, est une créature qui a un nafs. Et il a dit à Allah azawajal, et je ne sais pas ce qu'il y a dans ton nafs. Il le dit à Allah subhanahu wa ta'ala, je ne sais pas ce qu'il y a dans ton nafs. Isa alayhi salam s'est donc adressé à Allah subhanahu wa ta'ala en disant qu'il ne savait pas ce qu'il y avait dans le nafs, c'est-à-dire d'Allah Azza wa Jal. Wa lam yunkir Allah alayhi dhalik. Allah Azza wa Jal ne l'a pas repris sur cela. Fa fihi ithbatun nafs lillah. Et il y a donc l'attestation d'un nafs vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, il y a une divergence des savants sur sifatun nafs. Sur sifatun nafs lillah subhanahu wa ta'ala. Et il y a certains savants, comme Cheikh Al-Fawzan, considère que c'est un attribut parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que un nafs, c'est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les autres savants, et c'est la plupart des savants, considèrent que un nafs, c'est al-dhat, c'est l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est l'avis de Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah, c'est aussi l'avis de Cheikh Ibn Uthaymeen, de Cheikh Ibn Baz et de beaucoup d'autres. Ils considèrent que ici, un nafs, ce n'est pas un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est l'essence même d'Allah subhanahu wa ta'ala, car lorsque l'on dit nafs al-shay, c'est-à-dire la chose en elle-même, c'est-à-dire je ne sais pas ce qui, tu sais ce qu'il y a en moi, mais je ne sais pas ce qu'il y a en toi, c'est-à-dire en ton essence, en l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est doté de tous ses noms et attributs. L'essence d'Allah azza wa jal qui est doté de tous ses noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans l'autre verset, comme le dit Al-Fawzan, كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ. Allah a prescrit sur lui-même la miséricorde. Donc les savants qui considèrent que nafs c'est al-dhat, ils disent sur lui-même. Et les savants qui considèrent que un nafs c'est une sifa, c'est un attribut, considèrent que c'est un attribut, que nafs ici est un attribut. Et la majorité a dit que c'est l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fihi ithbatu an-nafs lillah. Donc Cheikh Fawzan dit il y a dans cela l'attribut de nafs vis-à-vis d'Allah azza wa jal, et le fait que les créatures ont un nafs et qu'Allah a un nafs ne veut pas dire que les deux nafs se ressemblent. طيب قوله سبحانه وقوله سبحانه وتعالى وجاء ربك. Quant au deuxième verset que l'imam Ibn Qudam al-Maqdisi rahimahullah a cité, la parole d'Allah Azza wa Jal est ton Seigneur viendra. وجاء ربك. قال الشيخ الفوزان هذا من صفات الأفعال. فالوجه واليدان والنفس من صفات الذات. وأما قوله تعالى وجاء ربك هذا من صفات الأفعال. وهذه الآية في سياق ذكر أهوال يوم القيامة في سورة الفجر. Ceci fait partie des attributs en rapport avec des actes. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal, parmi ses attributs, il y a la venue. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala viendra, c'est-à-dire le jour du jugement. C'est donc un attribut d'Allah Azza wa Jal qui est caractérisé par un acte. Et c'est ce que les savants appellent al-sifatu al-fi'liya ou sifatu al-af'al. Sifatu al-af'al ou al-sifatu al-fi'liya. C'est-à-dire que ce sont des attributs d'Allah Azza wa Jal qui sont caractérisés par des actes, par des actions. Comme ici le fait de venir. contrairement aux autres attributs, comme a dit Cheikh Al-Fawzan, comme le visage, comme les mains, comme le neuf selon l'avis de Cheikh Al-Fawzan, ce sont des attributs qui caractérisent l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des attributs qui caractérisent l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la différence entre les deux, c'est que as-sifatu al-dhatiyah, c'est-à-dire les attributs qui sont propres à l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala, elles sont azaliyah, c'est-à-dire qu'elles ont toujours eu lieu et qu'elles auront toujours lieu. Elles n'ont connu ni de début ni de fin. Concernant les attributs caractérisés par des actes, as-sifat al-fi'liyah, Allah subhanahu wa ta'ala les fait quand il veut, comme il veut, et selon sa volonté, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'Allah azza wa jalla vient quand il le veut, d'accord ? Et il commence quand il veut et il termine quand il veut, subhanahu wa ta'ala. C'est la différence entre les deux. وَمَا قَوْلُهُ Quant à la parole d'Allah azza wa jalla, وَجَاءَ رَبُّكَ Et ton Seigneur vient, ceci fait partie des sifat al-af'al, c'est-à-dire des attributs qui sont caractérisés par des actes. Et ce verset a été cité dans le contexte de la description des tourments du jour du jugement dans sourate Al-Fajr. قال تعالى كلا كلمة ردع وزجر إذا دكت الأرض دكا دكا رجت أو رجفت الأرض واندك ما عليها من الجبال والمباني وصارت قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا. Allah Azza wa Jalla dit dans Sourate Al-Fajr, Kalla, qui est une parole qui fait peur et une mise en garde, c'est-à-dire prenez garde. Idha dukkatil ardu dakkan dakka, lorsque la terre sera complètement pulvérisée. C'est-à-dire lorsque la terre tremblera. Rujifatil ardu, et que tout ce qu'il y aura à sa surface, comme montagne ou comme construction, sera pulvérisé, et la terre, wasarat qa'an safsafa, elle sera comme une plaine dénudée, comme une plaine vierge. La tara fiha iwajan wala amta, tu n'y verras ni d'endroit élevé, ni d'endroit abaissé. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal dans Surat Taha, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا. Et ils te questionneront sur les montagnes. Dis, Allah les pulvérisera. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا. Et il fera de la terre, c'est-à-dire de la terre, une plaine dénudée. وَجَاءَ رَبُّكَ جَاءَ مَجِيئًا حَقِيقِيًّا لِفَصْلِ الْقَضَاءِ بَيْنَ عِبَادِهِ فَفِيهِ إِثْبَاتُ الْمَجِئِ لِلَّهِ. Allah Azza wa Jal dit, et ton Seigneur viendra. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal viendra d'une façon qui lui est propre, subhanahu wa ta'ala, viendra véritablement pour juger ses serviteurs, subhanahu wa ta'ala. Il y a donc dans ce verset l'attestation de l'attribut de la venue à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu ta'ala, قال الإمام ابن قدامة المقدسي وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله وقول الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. أولا هل ينظرون أي ما ينتظر الكفار إلا أن يأتيهم الله يجيء لفصل القضاء في ظلل من الغمام أي من السحاب والملائكة تأتي الملائكة مع مجيئه سبحانه وتعالى وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. Donc dans le premier verset que l'imam Qudama al-Maqdisi a cité, la parole d'Allah Azza wa Jal, qu'attendent-ils, c'est-à-dire les non-musulmans, qu'attendent-ils sinon qu'Allah leur vienne? Et le deuxième verset, la parole d'Allah Azza wa Jal, sont le sens Allah est satisfait d'eux et ils sont satisfaits de lui. Concernant le premier verset, Cheikh Al-Fawzan dit « Hal yanzurun », c'est-à-dire « Qu'attendent-ils », c'est-à-dire les non-musulmans, « sinon qu'Allah leur vienne le jour du jugement afin de les juger ?» في ظلال من الغمام à l'ombre de nuages والملائكة accompagnés des anges, c'est-à-dire que les anges viendront et accompagneront Allah subhanahu wa ta'ala dans sa venue. وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ, et que leur sort soit réglé, et c'est vers Allah que toute chose sera retournée. يأتي لفصل القضاء سبحانه وتعالى وذلك أن الناس يقفون موقفا طويلا قدر 50,000 سنة شاخصة أبصارهم تدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق بعضهم يلجمه العرق وبعضهم دون الإلجام حسب أعمالهم فإذا طال عليهم الوقوف طلبوا من يشفع لهم إلى ربهم ليفصل بينهم فيتدافع الأنبياء الشفاعة إلى أن تأتي إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيخر ساجدا بين يدي ربه ويسأل الله أن يفصل بين عباده وأن يريحه من الموقف فيأتي سبحانه وتعالى للفصل بينهم. Donc Allah Azza wa Jal viendra le jour du jugement pour régler ou pour donner à chacun son jugement. Et ce sera un jour où les gens seront debout. Ils resteront debout très longtemps, à peu près 50 000 ans, comme l'a dit Allah Azza wa Jal dans le Coran. Shakhisatan absaruhum. Leurs regards seront terrorisés. Le soleil se rapprochera d'eux et ils seront engloutis par leur sueur. Certains seront engloutis, d'autres le seront presque selon leurs actes. Et lorsque l'attente sera longue, ils demanderont l'intercession. Ils demanderont aux envoyés d'intercéder pour eux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin que le jugement commence, car ce sera une attente où il n'y aura pas encore de jugement. On attendra 50 000 ans en attendant le jugement. C'est uniquement l'attente avant d'être jugé. Et quand l'attente sera interminable et insupportable, les gens demanderont au prophète et envoyé d'Allah Azza wa Jal d'intercéder pour eux vis-à-vis d'Allah afin que le jugement commence enfin. Et les prophètes et envoyés se renverront la responsabilité les uns après les autres jusqu'à ce que l'intercession soit demandée à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui acceptera et se dirigera vers Allah subhanahu wa ta'ala, se prosternera devant lui et demandera à Allah azza wa jal de commencer le jugement et de juger ses serviteurs et de les épargner ou de mettre un terme à cette attente interminable, et Allah Azza wa Jal viendra alors pour juger ses serviteurs. Donc, dans ce verset, il y a aussi l'attestation de l'attribut de la venue. Qu'attendent-ils sinon qu'Allah leur vienne? Donc Allah subhanahu wa ta'ala viendra, et c'est une des caractéristiques d'Allah subhanahu wa ta'ala. Concernant le deuxième verset, Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui. فوصف نفسه بالرضا وأنه يرضى عن عباده المؤمنين فالرضا صفة من صفاته سبحانه الفعلية قد جاء ذلك في عدة آيات رضي الله عنهم ورضوا عنه كما في سورة المائدة وفي سورة التوبة والمجادلة والبينة وغير ذلك ففيه إثبات الرضا لله جل وعلا كما يليق بجلاله ولا يشبه ذلك رضا المخلوقين فإن الله وصف نفسه بالرضا ووصف المخلوقين بالرضا ورضوا عنه هذا فيه إثبات الرضا للمخلوقين وأنهم يرضون ولكن لا تشابه بين الرضائين رضا الله جل وعلا يختص به ورضا المخلوق يختص به وبحسبه. Donc Allah عز وجل s'est attribué à lui-même la satisfaction et qu'il est satisfait de ses serviteurs croyants. La satisfaction est donc un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui fait partie des attributs min sifati al-fi'liya, c'est-à-dire qui sont caractérisés par un acte. C'est-à-dire qu'Allah azza wa jal est satisfait quand il veut et comme il veut, subhanahu wa ta'ala. قَدْ جَاءَ ذَلِكَ فِي عِدَّةِ آيَاتِ. Ceci a été rapporté dans beaucoup de versets. Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui. Dans surat al-Ma'idah, le verset 119, dans surat al-Tawbah, le verset 100, dans surat al-Mujadalah, le verset 22, et dans surat al-Bayyinah, le verset 8, et autres versets encore, où il y a l'attestation de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme cela lui est propre. Et il n'y a pas de ressemblance entre la satisfaction de ses serviteurs, et car Allah subhanahu wa ta'ala a attesté ou s'est attribué la satisfaction et a lui-même attribué à ces créatures la satisfaction. Allah azza wa jalla a dit radiyallahu anhum, Allah est satisfait d'eux et wa radu anhu, et ils sont satisfaits de lui. Donc Allah azza wa jalla a lui-même attesté la satisfaction à lui subhanahu wa ta'ala, mais aussi à ses créatures. Mais les deux satisfactions ne se ressemblent en aucun cas. La satisfaction d'Allah Azza wa Jal est propre à lui et la satisfaction de ses créatures est propre à elle. Wa qawluhu yuhibbuhum wa yuhibbuna. Qala Imam Ibn Qudam al-Maqdisi wa qawluhu yuhibbuhum wa yuhibbuna. Et l'Imam Ibn Qudam al-Maqdisi a dit, et la parole d'Allah Azza wa Jal, et il les aime et il l'aime. كذلك من صفاته قال الشيخ الفوزان كذلك من صفاته سبحانه المحبة أنه يحب عباده بمقتضى أعمال يعملونها. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. بهذه الأعمال استحقوا محبة الله لهم على هذه الأعمال موالاتهم للمؤمنين ومعاداتهم للكفار أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين فهم في جانب المؤمنين أذلة يذلون لهم ويلينون لهم ويرحمونهم ويتواضعون لهم أعزة على الكافرين أقوياء على الكافرين لا تلين لهم شوكة مع الكفار لأنهم أعداء الله جل وعلا يجاهدون في سبيل الله هذه من أعظم صفاتهم الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ولا يخافون لومة لائم هذه أيضا من صفاتهم أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فبهذه الصفات استحقوا هذه المنقبة العظيمة أن الله أحبهم سبحانه وتعالى. Donc également dans ce verset, Allah Azza wa Jal dit, il les aime et il l'aime. Il y a le caractère ou l'attribut qu'Allah Azza wa Jal s'est attribué, à savoir l'attribut de l'amour, qu'Allah Azza wa Jal aime. Et qu'Allah Azza wa Jal aime ses serviteurs en fonction des actes qu'ils font. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Maïda verset 54, « Ô vous qui avez cru, ceux d'entre vous qui apostasient ou qui reviennent sur leur religion, Allah Azza wa Jal apportera un peuple qu'il aimera et qu'ils l'aimeront. Azilatin ala al-mu'minin, qui seront modestes et qui se rabaisseront vis-à-vis des croyants et qui seront durs envers les non-musulmans. Yujahiduna fi sabilillah, ils combattront dans le sentier d'Allah sans ne craindre le blâme d'aucun blâmeur. Wala yakhafuna lawmat la'im. Qala Cheikh Al-Fawzan, grâce à ces actes, ils ont mérité l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire le fait qu'ils aient donné assistance aux croyants, fahum, ils sont donc vis-à-vis des croyants rabaissés, ils sont doux avec eux, ils se pardonnent et sont modestes mutuellement, mais ils sont également durs vis-à-vis des non-musulmans et ils ne craignent pas le blâme des blâmeurs, c'est-à-dire ils ne craignent pas les reproches qu'on pourrait leur faire ou ceux qui parlent sur eux. Ceci également fait partie de leurs caractéristiques qui n'ont pas peur de ce que les gens disent sur eux. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ. Ceci est un bienfait qu'Allah Azza wa Jal accorde à qui il veut. Donc, grâce à toutes ces caractéristiques ou à tous ces actes qu'ils font, ils ont mérité cette grande faveur qui est qu'Allah Azza wa Jal les aime. كَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِرِينَ وَقَوْلُهُ تَعَالَى يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ وَقَوْلُهُ تَعَالَى يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ. فالله يحب أهل الأعمال الصالحة والأفعال الطيبة وإذا حبهم جل وعلا سعدوا في الدنيا والآخرة ونالوا كرامة الله جل وعلا. Également, dans d'autres versets, Allah Azza wa Jal dit: Allah aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient. Allah Azza wa Jal dit également dans Sourate Ali Imran, le verset 76, il aime les pieux. Et dans Surat Al-Baqarah, verset 195, il aime les bienfaisants, yuhibbu al-muhsinin, et d'autres versets où Allah Azza wa Jal cite ceux qu'il aime. Allah Azza wa Jal aime donc ceux qui accomplissent des actes pieux et font des bonnes œuvres. Et lorsqu'Allah Azza wa Jal les aime, ils connaîtront alors la félicité et le bonheur dans cette vie d'ici-bas et dans celle de l'au-delà, et ils bénéficieront de la bonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. كذلك قال الشيخ فوزان كذلك في الايه في الايه اثبات المحبه لله واثبات المحبه للمخلوقين يحبهم ويحبونه فدل على انه لا تشابه بين الصفتين صفه المخلوق وصفه الخالق لان الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وإن وجدت الصفة في المخلوقين لكنها توجد على ما يليق بهم ولا تكون مثل صفة الرب جل وعلا هذه قاعدة في جميع الأسماء والصفات. Donc Cheikh Fawzan attire attention en disant également dans ce verset Allah Azza wa Jal atteste à lui-même l'attribut de l'amour et il a aussi attesté à ses créatures. Allah Azza wa Jal dit yuhibbuhum wa yuhibbuna, il les aime et il l'aime. Donc il y a l'amour, il y a de l'amour de part et d'autre, du côté d'Allah Azza wa Jal et de la part de ses créatures. فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا تَشَابُهَ بَيْنَ الصِّفَتَيْنِ. Ceci prouve qu'il n'y a pas de ressemblance entre ces deux caractéristiques, l'attribut de la créature et l'attribut du créateur, car Allah Azza wa Jal, comme il a dit dans le Coran, rien ne lui ressemble et c'est lui qui entend tout et qui voit tout. Même si cet attribut est présent et existe chez les créatures, mais elle est présente et existe chez elles selon ce qui leur convient ou ce qui les caractérise. وَلَا تَكُونُ مِثْلُ صِفَةِ الرَّبِّ سُبْحَانَهُ. Mais en aucun cas elle n'est comme l'attribut du Seigneur subhanahu wa ta'ala. Ceci est une règle dans l'ensemble des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَقَوْلُهُ فِي الْكُفَّارِ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَالَ الْإِمَامُ الْقُدَامَ الْمَقْدِسِي وَقَوْلُهُ فِي الْكُفَّارِ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَقَوْلُهُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ. Donc l'imam al-Qudam al-Maqdisi dit également, et dans la parole d'Allah Azza wa Jal vis-à-vis des non-musulmans, غضب الله عليهم. Allah est énervé contre eux. Allah est en colère contre eux. Et ceci dans Sourate Al-Mujadala, verset 14. Et le second verset où Allah Azza wa Jal dit اتبعوا ما أسخط الله. Ils ont suivi ce qui provoque le courroux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont suivi ce qui provoque le courroux d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme dans Sourate Muhammad, verset 28. قال الشيخ الفوزان من صفات الله جل وعلا الفعلية الغضب وأنه يغضب سبحانه وتعالى على الكفار غير المغضوب عليهم فالله جل وعلا يغضب على الكفار ويغضب على بعض أهل الكبائر لأنه سبحانه وتعالى يغار على حرماته فيغضب إذا انتهكت حرماته ومن يقتل إذا انتهكت حرماته ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. كما في سورة النساء غضب الله عليه بسبب جريمة القتل للمؤمن عمدا وعدوانا فالغضب من صفات الله جل وعلا فالله يغضب والمخلوق يغضب ولكن ليس غضب الله جل وعلا كغضب المخلوق لما بين الخالق والمخلوق من الفرق العظيم فلا تشابه بين غضب الله وغضب المخلوق وإن اشتركت هذه الصفة في اللفظ والمعنى لكنها لا تشترك في الكيفية والحقيقة كسائر الصفات. Donc concernant le premier verset, Allah Azza wa Jal dit, Allah est en colère contre eux. Qala Cheikh Al-Fawzan, parmi les attributs d'Allah Azza wa Jal qui sont considérés comme les attributs min as-sifat al-fi'liya, c'est-à-dire qui sont caractérisés par des actions. Parmi ces attributs, il y a la colère. Allah Azza wa Jal est en colère contre les non-musulmans, comme l'a dit Allah Azza wa Jal dans Surah Al-Fatiha, sauf ceux qui ont encouru la colère. Allah Azza wa Jal est donc en colère contre les non-musulmans, et il est aussi en colère contre certains qui commettent des grands péchés, car Allah subhanahu wa ta'ala yagharu ala hurumati. Comment traduire ça? Al-ghira, c'est pas la jalousie. Al-ghira, c'est la, l'ardeur. C'est la ferveur, c'est comme l'a dit le professeur Salam, un arrière ou confillah. C'est je suis celui qui a plus de ferveur et d'ardeur vis-à-vis d'Allah. C'est-à-dire que il donne de l'importance et le fait que Allah Azza wa Jal donne de l'importance à, aux limites qu'il a instaurées et le fait que ces limites soient dépassées. Vu l'ardeur et la ferveur d'Allah Azza wa Jal vis-à-vis de ses limites, cela l'énerve. Pour ça que quand on parle de l'ghira, comment il dit ça en français ? Le zèle. Le zèle. Le zèle, yani, c'est... je ne sais pas comment dire. Le zèle, yani, c'est la ferveur, l'ardeur, c'est le, ce que la personne a en elle et l'importance qu'elle donne à une chose. Et le prophète Sam, quand il dit « anariyal ukum fillah », c'est-à-dire que c'est moi qui connais ou qui a plus de motivation et d'ardeur vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal que vous. C'est-à-dire que c'est pour ça que le professeur Assalam, lorsque les limites d'Allah étaient dépassées, son visage devenait rouge et ses veines gonflaient, sallallahu alayhi wa sallam, et il s'énervait lorsque les limites d'Allah Azza wa Jal étaient dépassées. Pourquoi ? Car il connaît la valeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, il sait la valeur de ses limites et l'importance de ses limites également. Donc, Allah Azza wa Jal est aussi énervé vis-à-vis de certains qui commettent des grands péchés, car Allah Azza wa Jal a une grande ardeur vis-à-vis de des choses qu'il a interdites. Il s'énerve donc lorsque ces interdits sont commis, comme Allah Azza wa Jal le dit dans Sourate An-Nisa, et celui qui tue un croyant de façon délibérée, sa récompense alors sera le feu de la Jahannam. Il y restera éternellement et Allah sera énervé contre lui et il le maudira. Allah Azza wa Jal est énervé contre lui car il a tué, car cette personne aura tué un croyant volontairement et en voulant en faire le mal. L'énervement ou la colère est donc un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah s'énerve et est en colère. Et ces créatures également s'énervent et sont en colère. Mais la colère d'Allah Azza wa Jal n'est pas comme la colère de ces créatures. Car il y a une grande différence, une immense différence entre la créature et le créateur. Il n'y a donc pas de ressemblance entre la colère du créateur et la colère de la créature. Même si elles se rejoignent dans le terme et dans le sens, mais en aucun cas elles ne se ressemblent dans le comment et dans le al-haqiqa, c'est-à-dire dans ce qu'elles sont véritablement, qu'essa et les sifat. Donc, al-ghadab, la colère, c'est quelque chose qui caractérise Allah Azza wa Jal, c'est un attribut d'Allah, mais c'est aussi quelque chose qui caractérise ses créatures. Le mot est le même, et le sens est connu. Qui ne connaît pas le sens de la colère ? Qui ne connaît pas le sens de la colère? Tout le monde sait ce que veut dire la colère. C'est le même mot, c'est-à-dire ce sont les mêmes lettres qui sont utilisées, mais en aucun cas il n'y a une ressemblance dans le comment. La colère d'Allah Azzawajal n'est pas comme la colère de ses créatures. Et ceci est valable également pour l'ensemble des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقوله تعالى اتبعوا ما اسخط الله. Concernant le deuxième verset, où Allah Azza wa Jalla dit, ils ont suivi ce qui provoque le courroux d'Allah. في هذه الآية وصف الله بأنه يسخط والسخط نوع من الغضب ذلك بأنهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم والذي يسخط الله جل وعلا هو العاصي والكفر. Donc Allah Azza wa Jalla dans ce verset s'est attribué l'attribut du courroux. Et le courroux, c'est une forme de colère. Allah Azza wa Jalla a dit dans Sourate Muhammad, verset 28, ceci, car ils ont suivi ce qui provoque le courroux d'Allah. Ils ont détesté sa satisfaction. Il a alors annulé leur acte. Allah Azza wa Jal, donc ce qui provoque le courroux d'Allah Azza wa Jal, ce sont les péchés, ce sont la mécréance et le fait de lui associer subhanahu wa ta'ala. فَاللَّهُ يُوصَفُ بِأَنَّهُ يَسْخَطْ عَلَى أَعْدَائِهِ وَالْمُخَالِفِينَ لِأَوَامِرِهِ الْمُرْتَكِبِينَ لِمَا نَهَى عَنْهُ لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون والمخلوق يسخط أيضا ولكن لا تشابه بين سخط الخالق وسخط المخلوق وإن اشتركت هذه الصفة في اللفظ واشتركت في المعنى لكن الكيفية مختلفة تماما بين الخالق والمخلوق هذه قاعدة في كل الصفات. Donc Allah عز وجل, et on peut l'attribuer du courroux. Il est courroucé vis-à-vis de ses ennemis et de ceux qui contredisent ses ordres et qui accomplissent ou qui tombent dans ses interdits. Allah Azza wa Jalla dit dans Sourate Al-Ma'idah, verset 80, « La bi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum » La pire des choses qu'ils ont pu faire, c'est qu'Allah Azza wa Jalla est courroucé contre eux et ils seront dans le châtiment, ils resteront dans le châtiment éternellement. En Sourate Al-Ma'idah, la table servie, verset 80. Donc la créature est courroucée, se courrouce également, mais il n'y a pas de ressemblance entre le courroux d'Allah Azza wa Jal et le courroux de ses créatures, même si ils se rejoignent sur le mot et sur le sens, mais le comment diverge et diffère totalement entre le créateur et la créature, et ceci est une règle dans l'ensemble des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa naktafi bihadha al-qadr wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.